La science CQFD, Natacha Triou. Exploiter la chaleur et l'énergie sous nos pieds pour du chauffage et de l'électricité, c'est le concept de la géothermie. À quel point peut-elle être pertinente dans la transition énergétique ? La région parisienne est la région qui concentre le plus d'installations géothermiques au monde. D'ailleurs, de là où je vous parle, la Maison de la Radio est pionnière en la matière. C'est le premier bâtiment à avoir utilisé la géothermie comme source d'énergie. En France, elle n'est pas très développée. Pourtant, l'énergie du sol semble inépuisable. L'Islande a même un projet à l'étude, une idée folle digne de Jules Verne, exploiter l'énergie du magma d'un volcan. Quel est donc l'avenir de cette filière énergétique ? Géothermie ? Chaud dessous. Benjamin Brigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes sédimentologue et professeur à l'Université Paris-Saclay, chercheur au laboratoire Géosciences Paris-Saclay, membre de l'Institut Universitaire de France. Et en duplex de France Bleu Orléans, Christophe Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des géoressources au BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière. Merci. Merci à vous d'être avec nous en direct sur France Culture et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Chaque jour, on y publie de nombreuses ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil @sciencesqfd. Alors, entre géothermie de surface et de profondeur, quelles sont les différences techniques et pour quels usages ? Quels sont les avantages à l'exploitation des géoressources et quelles en sont ses conséquences environnementales ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, les volcans pourraient-ils devenir une source inépuisable d'énergie ? La question est déjà posée en 1972 à Haroun Taziev, c'est notre archive du jour. L'utilisation de l'énergie des éruptions, je crois qu'elle ne sera jamais mise en application. Non pas que ce soit techniquement impossible, loin de là, mais économiquement, ce serait beaucoup trop aléatoire. La construction d'une usine capable de transformer l'énergie thermique ou l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique des éruptions en électricité, disons, coûterait très très cher et serait soumise donc aux aléas soit du volcan qui s'endort pour quelques siècles, ou alors qui démarre trop fort, qui éclate et expédie votre usine à 40 000 mètres d'altitude. Alors, cela on ne le fera jamais. Personne ne tentera, personne de saint d'esprit ne tentera jamais d'investir les quelques milliards qu'il faudrait pour construire une production chaotique. Oui. Mais ce que l'on fera de plus en plus, et surtout à mesure que les hydrocarbures vont s'épuiser, ce qui est pour bientôt, c'est l'exploitation de l'énergie géothermique, c'est-à-dire donc l'utilisation de la vapeur naturelle. C'est un rendement intéressant. Ah, alors c'est un rendement quand il y en a. C'est l'électricité, c'est la meilleure marché du monde. Et c'est absolument inépuisable. Comment sait-on que c'est inépuisable ? Parce que tout simplement, l'énergie thermique de la Terre, il faudra quelques milliards d'années, quelques milliers de millions d'années avant qu'elle ne s'épuise, donc la chaleur elle sera toujours là. Et la vapeur que l'on utilise, c'est l'eau de pluie infiltrée. Il pleuvra encore pendant un petit temps, comme bien vous sûr, le voyez actuellement. Bien sûr. La voix du volcanologue Haroun Taziev dans l'émission Les dossiers de l'écran sur la ORTF. Alors l'exploitation énergétique des volcans lui paraît impossible, mais Benjamin Brigaud, nous étions en 1972, qu'en est-il aujourd'hui ? Bah, ça reste quand même assez compliqué parce que, comme il le disait très bien, il y a un aléa qui est en fait qu'il peut y avoir de la lave en fusion qui vienne sur l'installation, donc ça reste quand même compliqué, mais ça reste en partie possible, notamment en Islande, mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'eau de pluie qui peut aller dans le sous-sol, qui, elle, peut être réchauffée par la chaleur de la Terre et qui, elle, peut être exploitée. Donc, c'est des propos très intéressants et qui restent, je pense, encore d'actualité. Christophe Didier, une réaction, vous aussi, à cette archive de 1972 ? Oui, intéressant à entendre. Enfin, je pense qu'on avait effectivement un visionnaire. Je crois qu'aujourd'hui, là, même si la lave est l'expression la plus impressionnante du volcan, ce n'est pas celle-là qu'on utilise aujourd'hui en termes d'énergie, mais effectivement, c'est bien la proximité de cette source de chaleur avec la capacité à faire chauffer une eau et générer de la vapeur qui est aujourd'hui exploitée dans le cadre de la géothermie pour faire fonctionner de l'électricité. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est en fonctionnement et en développement. Christophe Didier, on entendait également dans cette archive Haroun Taziev évoquer la fin des hydrocarbures et puis le fait que la géothermie, ce soit une électricité, la meilleure marché sur le monde. Alors, meilleur marché. Elle fait partie des énergies compétitives en termes économiques, mais elle fait surtout partie des énergies extrêmement compétitives en termes d'empreinte carbone, parce qu'en fait, on est dans une énergie parfaitement décarbonée. Et qui en plus est une énergie permanente, qui ne dépend pas d'aléas climatiques, mais qui est présente sous nos pieds, disponible, et donc elle a beaucoup d'atouts dans une logique de transition énergétique et de décarbonation d'une économie et d'une industrie. Alors cette énergie présente sous nos pieds, Haroun Tazieff disait « Personne de sain d'esprit ne tentera d'exploiter l'énergie des volcans ». Le projet est pourtant à l'étude en Islande, c'est le projet Krafla Magma Testbed qui était lancé en 2014. L'objectif est de creuser un tunnel dans le volcan Krafla jusqu'à la chambre magmatique remplie de roches brûlantes en fusion. Benjamin Brigaud, quelles sont les perspectives de ce projet ? J'ai eu l'occasion de me rendre sur le Krafla, donc je connais effectivement ce volcan. Donc il y a déjà une centrale géothermique qui produit de l'électricité. Et je crois qu'elle est assez ancienne pour l'Islande. Hein. Ça fait 30 ou 40 ans que le système marche. En fait, la chambre magmatique, elle est environ entre 4 et 6 km de profondeur, donc avec vraiment de la roche en fusion. Et là, les températures peuvent atteindre jusqu'à 800-900 degrés. Et ce qu'ils utilisent, en fait, hein, pour faire l'électricité, c'est l'eau qui se trouve finalement moins profond, mais qui est dans la roche volcanique, mais pas en fusion, mais qui est quand même de l'eau qui va être à 250 degrés, à environ 1 km. Donc sous cette zone, en fait, on est sur ce qu'on appelle le rift, la dorsale océanique, qui normalement est à 3 ou 4 km au fond de l'océan. Et là, en Islande, elle est à la surface. Et donc, c'est cette chaleur qui est effectivement au-dessus de la chambre magmatique qui va être utilisée. Donc c'est l'eau qui est récoltée et quand elle arrive en surface, en fait, avec la diminution de pression, on a de la vapeur et avec la vapeur, on fait tourner une turbine et on produit de l'électricité. Et l'Islande, finalement, produit 30% de son électricité avec la géothermie. Christophe Didier, sur ce projet à l'étude en Islande, puisque ce projet, le projet Krafla Magma Testbed, premier forage, est prévu pour 2026. Oui, alors ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'un peu comme ça arrive parfois dans le domaine scientifique, c'est issu d'un raté, parce qu'en fait le projet avait vocation à aller trouver du magma profond, et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait une chambre magmatique bien plus au-dessus, et ils sont tombés dans cette chambre, ce qui n'était pas prévu initialement. Je pense que là où on est à la limite de la recherche, très exploratoire, c'est aujourd'hui on exploite, comme le disait Benjamin, des fluides sous pression dans des températures de l'ordre de jusqu'à 250-300 degrés. Là, l'un des intérêts, c'est d'étudier l'exploitabilité possible de fluides dans des températures beaucoup plus élevées, donc des fluides qu'on appelle supercritiques et qui seraient capables de transmettre des quantités d'énergie bien plus élevées qu'une vapeur classique. Et donc, on essaye de regarder quels sont l'avenir d'exploitation à des capacités de production beaucoup plus élevées du fait de ces conditions assez atypiques en termes physico-chimiques. Alors pour l'heure, l'énergie géomagmatique, c'est encore un peu de la science-fiction. Mais parlons de la géothermie, qui en France n'en est pas une. Elle représente 5% de la chaleur renouvelable en 2020. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un petit point géosciences, Benjamin Brigaud. Que se passe-t-il sous nos pieds ? D'où vient la chaleur sous terre ? Alors, la chaleur, finalement, elle va principalement venir dans la croûte terrestre, dans la croûte notamment continentale. On va avoir des minéraux qui contiennent de l'uranium, du potassium et du thorium et qui sont radioactifs et qui émettent comme ça de la chaleur. Donc, quand on va creuser dans la croûte continentale, on va avoir à peu près un gradient géothermique de 3 degrés. Ça se réchauffe de 3 degrés tous les 100 mètres. Donc, ça, c'est la première source, on va dire, de chaleur. Après, il y en a une deuxième qui est moins importante, mais quand même, il y a des températures qui vont jusqu'à 5000 degrés, c'est au centre de la Terre. En fait, c'est l'héritage de la genèse de notre Terre, hein, par accrétion, on appelle ça, donc des protoplanètes, des petites planètes, des poussières, enfin des particules qui sont rentrées en collision et qui se sont accrétées. Et ça a dégagé une quantité, mais vraiment astronomique, de chaleur. Et on a toujours ce rayonnement, hein, de chaleur, même si elle est plus créée, parce qu'il y a plus de collision. Donc ça se refroidit, mais en se refroidissant, ça émet encore de la chaleur. C'est le principe, c'est le fer à repasser. Vous le coupez, mais en se refroidissant, il émet encore de la chaleur. Donc ça, c'est une des sources d'énergie. Et il y a aussi il y a une partie du noyau de la Terre. Donc là, on parle à des profondeurs qui sont entre 3000 et 6000 kilomètres, hein, donc on est très très très profond. Le noyau a tendance à cristalliser un petit peu, à se solidifier, donc ça émet aussi de la chaleur. Oui, le dégagement de la chaleur qui est alimenté par le refroidissement du noyau. Je lisais pour préparer cette émission que le noyau se refroidit d'environ 50 à 100 degrés par milliard d'années, que depuis l'extinction des dinosaures, la Terre s'est refroidie de 3 à 6 degrés, le noyau terrestre. Mm-hmm. Ça, c'est... Sinon, par rapport à cette chaleur à la surface du globe, comment se répartit-elle? Est-ce que ça se répartit de la même manière partout? Alors non, elle va à la surface du globe, elle va effectivement varier. Donc on peut estimer ce qu'on appelle un gradient géothermique, un gradient thermique. Donc c'est la chaleur que diffuse la Terre, et on s'aperçoit qu'elle est en moyenne de 80 milliwatts par mètre carré. Donc c'est 0,08 watts par mètre carré. Pour donner un ordre de comparaison, la chaleur du soleil qui arrive à la surface de la Terre, c'est 170 watts par mètre carré. Donc c'est beaucoup plus. Donc ça reste, c'est faible, mais c'est juste à la surface. Donc il y a quand même de l'énergie qui sort, et ça va varier en fonction de l'épaisseur de la croûte terrestre. Donc dans les zones océaniques, c'est plus, ça peut être 100 milliwatts par mètre carré. Là, sur la région parisienne, c'est environ 70 milliwatts par mètre carré. Et puis ensuite, on va avoir aussi le gradient géothermique, qui est en moyenne, je disais tout à l'heure, de 3 degrés par kilomètre. Il y a dans des zones, il va être plus important, et notamment là sur le volcan, le Krafla. Là, on est sur de l'ordre de 30 degrés tous les 100 mètres. Donc c'est 10 fois plus important, mais parce qu'on a de la roche en fusion à quelques kilomètres, à 3-4 kilomètres de profondeur. Et puis comme vous disiez, à l'échelle de la planète, ce sont les dorsales océaniques qui dégagent le plus d'énergie géothermique. Christophe Didier, en France, où sont les zones les plus chaudes ? Alors, juste pour compléter déjà ce qui a été dit, enfin sans doute pour mettre en cause, je confirme que le rayonnement solaire, dans les premiers mètres, parce qu'on parlera tout à l'heure probablement de géothermie de surface, c'est le rayonnement solaire qui a un rôle important pour garantir une stabilité thermique qui est ce qu'on va exploiter dans la géothermie de surface. Donc en fait, même si globalement, à l'échelle profonde, ce sont bien ces deux événements énoncés qui expliquent la chaleur. Sur la subsurface, le sol joue quand même un rôle important dans la capacité de réchauffer les terrains. Alors, les zones les plus chaudes, ce sont les secteurs qui, historiquement, ont connu une activité volcanique. Donc, par exemple, le massif central. Et puis, ce sont les secteurs qu'on appelle les bassins d'effondrement qui sont les moins épaisses en termes de croûte, et donc les plus proches des terrains profonds chauds. Et donc, c'est particulièrement le cas dans le fossé rhénan, qui est un fossé d'effondrement. Et donc, dans cette zone-là, on a des gradients géothermiques plus élevés que dans d'autres secteurs du territoire, d'où aussi l'intérêt d'y avoir développé un certain nombre d'activités géothermiques. Benjamin Brigaud. Oui, c'est tout à fait. Dans ces, en fait, sur le fossé rhénan, la croûte terrestre est un peu moins épaisse. La croûte continentale, en gros, ça va être 30 km. Là, sous Paris, c'est 30 km. Dans les chaînes de montagne, dans les Alpes, par exemple, c'est 70 km. Et dans le fossé rhénan, ça va être entre 5 et 10 km. Donc en fait, on a les roches chaudes du manteau qui sont à 1000 degrés, qui vont être plus proches de la surface. Donc le gradient géothermique, finalement, ce manteau va réchauffer, va être plus proche. Donc on a des roches plus chaudes qui sont plus proches de la surface par rapport à nous ici à Paris, par exemple. Après avoir exploré les entrailles de la Terre, maintenant, comment techniquement la géothermie fonctionne ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux. En direct sur France Culture avec Benjamin Brigaud et Christophe Didier, nous parlons de géothermie. L'idée de la géothermie, c'est celle d'exploiter la chaleur sous nos pieds pour du chauffage, de la climatisation, mais aussi de l'électricité. Nous venons de voir qu'il y a différentes zones géologiques plus propices à la géothermie, mais que on peut faire de la géothermie partout. Il existe plusieurs techniques, selon la profondeur et surtout selon la température des roches. Benjamin Brigaud, pour commencer avec la géothermie profonde, comment ça fonctionne ? Alors la géothermie profonde, on va parler de géothermie profonde pour en tout cas en France, pour tout ce qui va être de l'exploitation, la mobilisation de la chaleur du sous-sol à plus de 200 mètres de profondeur. Donc en gros de 200 mètres jusqu'à 3, 4, 5 000 mètres de profondeur. Donc voilà, là on peut parler de géothermie profonde. Et cette chaleur, en fait, il faut la mobiliser. Alors comment on peut mobiliser cette chaleur ? Le plus simple, c'est d'utiliser un vecteur. Et ce vecteur, c'est un fluide, c'est l'eau. Et si on a dans les roches de l'eau, alors il faut pas imaginer forcément, enfin il faut pas même imaginer des rivières souterraines ou des grands fleuves ou souterrains. C'est vraiment de l'eau qui est contenue dans les roches avec de la porosité qui est millimétrique. C'est ce que je dis aux étudiants, c'est la tête d'épingle au bout de l'épingle à nourrice. Donc c'est vraiment ça, l'eau elle va être contenue dans cette roche, mais vraiment à l'échelle, dans la porosité à l'échelle millimétrique. Et si on fait un trou qui fait 10-15 cm de diamètre, bah finalement, si on a de l'eau dans la roche, bah elle va aller dans le forage et si elle va être en équilibre avec la roche. Donc si on a une roche à 50 degrés, l'eau elle va être à 50 degrés, il suffit de la pomper. Et on a du coup la chaleur qui peut être... On peut en faire, par exemple, on va pouvoir l'utiliser et capter les calories pour en faire soit du chauffage ou pour faire, si on a des températures élevées comme sur le volcan du Krafla, on peut faire, si on a 250 degrés, on peut avoir de la vapeur et faire de l'électricité. Christophe Didier, en effet, le principe, c'est que c'est aller chercher des roches avec de l'eau dedans, en capter l'eau chaude, l'utiliser, puis la renvoyer dans la roche. C'est ça. Donc pour faire ce type de géothermie profonde, puisqu'il y en a d'autres, mais c'est ce qu'on appelle généralement des doublés géothermiques, c'est-à-dire qu'en fait on fait un forage pour extraire ce fluide. Alors il faut avoir déjà identifié des zones où on a des aquifères suffisamment puissants, suffisamment épais et capables de générer un flux important et que leur profondeur soit suffisante pour que la température soit pertinente. Donc on va ensuite récupérer en surface, les utiliser dans des réseaux de chaleur pour chauffer plusieurs milliers de logements par exemple, et on va renvoyer la chaleur, enfin en tout cas le fluide refroidi qui reste chaud quand même, mais qui peut passer de 70 degrés à une trentaine ou une quarantaine de degrés, on va le réinjecter dans la nappe de manière à ne pas affaiblir la nappe et garder cette capacité de production. Et puis aussi parce que souvent ce sont des eaux très chargées en sel, en minéraux de tout type, et qu'il serait malvenu de rejeter ça en surface dans les réseaux ou dans les rivières. Donc l'un des intérêts, c'est que la distance de réinjection soit suffisamment éloignée que du point de prélèvement pour que l'effet de la bulle froide ne vienne pas perturber l'exploitation et n'affecte pas la capacité d'exploiter la chaleur. Oui, c'est ça, c'est pour ne pas trop refroidir la roche. Oui, pour pas tarir en fait la ressource. Donc typiquement, dans la région Île-de-France, alors je pense on peut le répéter, c'est la région du monde qui concentre le plus d'unités de centrales en fait géothermiques qui alimentent des réseaux de chaleur. Il y en a une cinquantaine, donc c'est vraiment énorme. Pourquoi c'est là d'ailleurs ? Comment ? Pourquoi c'est ici d'ailleurs ? Historiquement, l'exploitation de géothermie profonde par doublet a été initiée, je pense que ça a été dans les pays précurseurs, en 1969 à Melun. Il y a le premier doublet géothermique qui a été construit pour capter l'eau chaude qui est à 70 degrés, prendre des calories pour alimenter des habitations collectives, et on la réinjecte à environ 40 degrés. Mais on parle justement de géothermie profonde. On peut aussi injecter de l'eau froide dans des roches profondes, chaudes mais sèches. Ça va être plus peut-être dans les roches sèches, c'est plus sur la en surface, c'est les techniques qu'on va utiliser. Donc là, on peut utiliser des sondes où dans ces sondes, il y a un fluide caloporteur, c'est un fluide glycolé qui là va se mettre en équilibre avec la roche sèche et on va pouvoir comme ça capter les calories de la terre. Alors comme vous disiez, si la température de la roche dépasse une certaine température, si elle dépasse par exemple les 150 degrés, Christophe Didier, on peut donc même faire de l'électricité. Oui, c'est ça. Alors peut-être pour répondre à la question, alors, la géothermie profonde peut se faire sur des terrains sédimentaires, des alcifères poreux où il y a de grandes quantités d'eau, mais effectivement elle peut aussi se faire dans des roches beaucoup moins perméables, mais au sein desquels l'eau peut circuler le long de fissures de failles. Et donc là, on est dans des roches qu'on appelle les roches de socle, beaucoup plus profondes. C'est ce qui se fait notamment en Alsace. On est à 3000, 4000 mètres de profondeur, comparé à 1500 mètres dans le bassin parisien. Et là, pour permettre d'exploiter ce fluide, on encourage, en tout cas, on permet la circulation d'eau dans ces fissures. Cette eau qui se réchauffe au contact du massif rocheux qui est très chaud. Et donc là, quand on a des températures suffisantes, donc classiquement au-dessus de 150 degrés, alors notamment en surface, parce qu'il faut quand même remonter l'eau et la vapeur, on peut, en trouvant la capacité à isoler la vapeur de l'eau, pouvoir utiliser cette vapeur et faire tourner des turbines et produire de l'électricité. Donc c'est une manière de faire que d'aller chercher très profond des roches sèches très chaudes, mais on a aussi quelque chose d'un peu équivalent, puisqu'on revient, si on revient à votre archive du début, c'est de se servir des zones volcaniques qui, là, ont des températures très élevées, mais à des profondeurs potentiellement beaucoup moindres. Donc on a en France notamment une station de production d'électricité en Guadeloupe où à des profondeurs de l'ordre de 500 à 1000 mètres, on a des températures de plus de 200 degrés et on génère une quantité non négligeable de l'énergie de l'île de Guadeloupe grâce à cette production électrique. Oui, c'est la centrale de Bouillante en Guadeloupe où là on a des températures donc assez élevées pour produire de l'électricité, Benjamin Brigaud. Ouais, Bouillante. On va avoir la Soufrière. Donc on a des températures on a de l'eau qui va être à 250 degrés, à entre 800 mètres, 1 km de profondeur. Et donc là, en captant cette eau, en la ramenant à la surface, on peut facilement, avec ces 250 degrés, avoir de la vapeur d'eau qui fait tourner une turbine et qui peut produire de l'électricité. Ouais. Et c'est qu'en France métropolitaine, il faudrait creuser plus profond pour obtenir de telles températures, trop profond pour que ce soit rentable, mais dans les départements et régions d'outre-mer, c'est intéressant. C'est fait à Soultz-la-Forêt, donc en Alsace, où là, il y a des forages qui sont à 5 km de profondeur, et la température, c'est moins que 250 degrés, on est aux alentours de 150 degrés, mais qui est quand même suffisante pour pouvoir faire de l'électricité. Et en Alsace, elle a un avantage aussi, cette géothermie, c'est que l'eau géothermale contient du lithium et contient suffisamment de lithium pour probablement l'exploiter. Donc il y a environ 150 mg par litre d'eau géothermale de lithium. Et donc ça, c'est cette cogénération géothermie plus lithium est particulièrement intéressante et peut rendre rentable à la fois l'exploitation de lithium, parce que si le marché du lithium baisse un petit peu, on aura toujours la géothermie pour faire de l'électricité. Donc c'est cette cogénération géothermie avec lithium, et on peut imaginer aussi avec d'autres choses, avec du gaz, on pourrait imaginer avec de l'hélium ou avec de l'hydrogène. Ce sont des pistes d'investigation très, très intéressantes. On reviendra dans quelques instants sur les avantages de ce secteur, mais toujours pour comprendre les différences de technologie et de technique, Christophe Didier, quelle est la différence avec la géothermie basse profondeur? Quel est le principe comparé justement à la géothermie profondeur qu'on vient de décrire? Alors c'est ce que commençait à expliquer Benjamin tout à l'heure. En fait, la géothermie basse énergie, ou en tout cas la géothermie de surface, comme on l'appelle, se joue dans les premiers mètres, ou en tout cas jusqu'à une centaine ou 200 mètres. Et là, en fait, la différence, c'est qu'on ne va pas extraire de une eau chaude. On va se servir du fait que le sol a joue un rôle de tampon thermique, donc il est assez constant, et ça, tout le monde l'a expérimenté quand il descend dans sa cave ou dans une grotte en plein hiver ou en plein été, on se rend compte que la température est beaucoup plus fraîche qu'à l'extérieur en été, et beaucoup plus douce qu'en hiver, parce que la température est constante, et donc le principe, c'est de faire circuler un fluide au contact de ce sol à température constante, et puis, à la fin de cette circulation, le fluide correspond à cette température de manière efficace, et quand on le couple à une pompe à chaleur, on va pouvoir extraire des calories ou du froid en fonction du besoin, et donc soit réchauffer, soit rafraîchir un domicile. Et donc quand on réchauffe, on va prendre les calories et le fluide sera plus froid, et on va le réinjecter à nouveau pour qu'il redevienne à une température de 12 degrés. Donc en fait, on va se servir de ce tampon thermique pour pouvoir produire l'énergie dont on a besoin pour rafraîchir ou pour réchauffer un logement. Voilà. Donc on n'extrait pas à proprement parler une eau chaude, on se sert du sol pour avoir sans cesse à disposition un fluide dont on peut se servir pour extraire du froid ou du chaud. Mais c'est ça, c'est que en plus d'être peu profond, en plus d'être faisable quasiment partout, ça c'est une géothermie qui produit donc du froid. Ça veut dire que ça pourrait remplacer nos clims ? Oui, tout à fait. c'est important d'y penser, notamment avec le réchauffement climatique. Et alors il y a des collègues climatologues qui prédisent qu'en région parisienne, il serait pas impossible d'avoir à la fin du siècle des canicules aux alentours de 50 degrés. Je crois qu'il y a eu 42 degrés dans Paris en 2019. Donc et si on fait tourner des clims, on peut faire des îlots de chaleur. Enfin, donc aller puiser cette fraîcheur du sous-sol pendant l'été est vraiment une piste très intéressante. On parlait de température tout à l'heure. Pour la géothermie profonde, pour le chauffage, on parle facilement de 60-70 degrés. Là, pour la géothermie de surface, on va parler de 12-13 degrés. Hein. C'est la température, mais qu'on va avoir vraiment toute l'année, que ça soit en été ou en hiver. Donc là, il suffit, alors soit par un système de doublet, on va récupérer l'eau comme en géothermie profonde, mais là, elle est qu'à 12 degrés. Ou soit, si on a des roches sèches ou d'ailleurs avec de l'eau, on peut utiliser un fluide caloporteur, donc des sondes qui va permettre d'utiliser les calories de cette manière-là. Alors face à l'urgence climatique et face à l'urgence d'une transition vers des énergies plus propres qui n'émettent plus de CO2, quels sont donc les avantages de la géothermie en termes environnementaux, mais aussi ses limites ? Est-elle la grande oubliée de la stratégie énergétique française ? Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. Under the Earth des Yeah Yeah Yeahs en direct sur France Culture, car nous parlons de l'énergie dans les sous-sols terrestres. Nous parlons de géothermie en compagnie de nos deux invités du jour, Benjamin Brigaud, sédimentologue à l'Université Paris-Saclay, membre du laboratoire Géosciences Paris-Saclay Géops et membre de l'Institut Universitaire de France, et avec Christophe Didier, directeur des géoressources au Bureau de Recherche Géologique et Minière. On vient de voir qu'il existe plusieurs types de géothermie. Pour résumer, la géothermie profonde, l'idée c'est de forer pour capter cette eau chaude qui circule dans des roches poreuses, d'utiliser cette eau chaude pour chauffer des logements individuels collectifs ou même des bâtiments, et ensuite on réinjecte cette eau. Et puis il y a la géothermie de surface qui consiste à exploiter la température stable qui se trouve à quelques dizaines de mètres de profondeur. Maintenant qu'on a dit tout ça, Christophe Didier, est-ce que cette technique est renouvelable puisqu'on réinjecte de l'eau froide dans la roche, en l'occurrence pour la géothermie profonde? Alors, renouvelable, et en tout cas, elle est durable, parce que quand on dimensionne les doublets, tel qu'on l'a dit, on l'a précisé, le point de prélèvement est suffisamment éloigné du point de réinjection pour que l'impact de l'eau plus froide qui est réinjectée n'aille pas gêner l'exploitation pendant les premières décennies, de l'ordre de 30 ans. Il s'avère que ce dimensionnement de 30 ans semble avoir été un peu sous-estimé et que les plus anciens travaux ne sont pas encore mis en péril malgré maintenant plus de 40 ans d'exploitation. Et quand bien même on baisserait de 1 ou 2 degrés ou 3 degrés une eau qui se trouve aujourd'hui à 70 degrés, on n'a pas encore une mise en péril des choses. Mais il est clair que ça a aussi des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas surexploiter le même aquifère sans limite. Il faut aussi être capable de faire des projets aussi ambitieux et porteurs de succès que le bassin parisien dans le Dogger, dans d'autres aquifères potentiellement plus profonds, plus chauds, ou dans d'autres secteurs de la France comme le bassin aquitain ou le bassin du Sud-Est. On a d'autres aquifères de ce type qui pourraient être exploités, mais qui sont aujourd'hui assez mal connus, et dont c'est une des missions du BRGM que d'identifier les zones les plus favorables pour mettre à la connaissance les porteurs d'enjeux, des secteurs sur lesquels il serait pertinent et utile d'investir pour développer aussi ces réseaux de chaleur décarbonés et être capable de chauffer plusieurs milliers de logements avec cette énergie. Bah, on n'est pas sur les mêmes échelles de temps que les énergies fossiles, puisqu'elles ont mis des millions d'années à se former, mais tout de même, à l'échelle humaine, il s'agit de ressources qui s'épuisent. Pour compléter ce qui vient d'être dit, Benjamin Brigaud, la chaleur extraite du sous-sol, à quel point se renouvelle-t-elle ? Je pense que on a clairement pas atteint les limites et elle va se renouveler en plus très rapidement. Donc par exemple, en Île-de-France, on exploite quand même pas mal, parce qu'il y a beaucoup de centrales géothermiques, on l'a dit plusieurs fois, et pourtant on n'a pas du tout atteint les limites. Donc on voit qu'il y a une bulle froide, donc c'est on va réinjecter de l'eau à 40 degrés dans un aquifère qui est à 70 degrés, donc on voit cette bulle froide qui va faire 10 mètres, après elle va faire 100 mètres, et elle va faire jusqu'à 1 km, et elle peut, sur le puits producteur, on peut sentir qu'on produit de l'eau qui est un peu plus froide, mais ça, sur les 50 installations, il y en a dans qu'une où ça s'est vraiment réellement vu. Et puis une technique, en fait, c'est tout simplement d'arrêter d'injecter l'eau à un endroit, de refaire un puits par exemple à la perpendiculaire et de réinjecter à 90 degrés un peu plus loin, et ça c'est une technique qui permet de renouveler assez facilement la ressource, parce que dès qu'on arrête de réinjecter l'eau froide, très vite la bulle qui était à 40 degrés, elle va se réchauffer, et en quelques années, en 5 à 10 ans, ça s'est rééquilibré. Donc c'est renouvelable, en fait, à l'échelle humaine, ça va être complètement renouvelable. Puisque la technologie nécessaire ressemble à celle utilisée pour forer les puits de pétrole, Christophe Didier, on associe ça souvent au gaz de schiste ou à la pollution des sous-sols, mais la stimulation en géothermie, ça n'a rien à voir avec ces autres techniques-là. Non, alors il y a des différences notables qu'il faut essayer d'expliquer. On a beaucoup parlé de la fracturation hydraulique quand il était question d'hydrocarbures non conventionnels, qui consiste à aller extraire les hydrocarbures, non pas de réservoirs comme ceux dont on parle là, dans lequel les hydrocarbures se sont exploités, mais d'aller les chercher dans leurs roches mères qui sont des roches argileuses, marneuses, extrêmement compactes et très peu fissurées. Et donc, pour faire ce tour de force, les technologies mises en œuvre consistent à aller générer des fissures, donc en injectant des fluides sous très haute pression pour casser cette roche. Mais casser ne suffit pas, il faut aussi ouvrir les fissures et les laisser ouvertes pour permettre à ces substances de sortir. Et donc, en fait, la fracturation hydraulique, au-delà de la fracturation en elle-même, utilise aussi des substances chimiques pour pouvoir générer des fluides assez visqueux, emmener dans l'ensemble de ces fissures des microbilles, et puis ensuite casser cette espèce de fluidité, de viscosité pour que le fluide sortir, mais laisse les billes en place. Donc l'une des difficultés de la fracturation hydraulique, c'est aussi l'utilisation de ces substances chimiques, pas toujours très sympa, et le risque que ça puisse générer sur les aquifères environnants. Dans la géothermie, alors il ne s'agit pas de stimuler dans les aquifères dont on a parlé, par contre dans les roches plus profondes, comme à Soultz-sur-Forêt, ce qu'on appelle stimulation hydraulique, permettre et optimiser les circulations de fluide dans les fissures préexistantes. On ne va pas fissurer une roche saine, on va potentiellement favoriser les écoulements le long de ces failles, le long de ces hétérogénéités, en injectant du fluide pour faire rebouger ou permettre une meilleure circulation. Mais on n'a pas à utiliser ces substances chimiques qui sont inhérentes à la fracturation hydraulique qui a fait beaucoup parler. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle plus de stimulation que de fracturation dans le secteur, il me semble. Benjamin Brigaud, par rapport aux conséquences environnementales, on a vu qu'il y a eu des dégâts qui ont été causés par des premières tentatives d'exploitation de géothermie profonde, en Alsace notamment en 2019, avec un séisme de magnitude 3,9 qui a ébranlé la région de Strasbourg. Oui, alors pour revenir là sur la stimulation, en fait, il y a tellement de roches qui sont poreuses et perméables, que ça soit dans des couches sédimentaires à l'horizontale ou dans des zones fracturées, donc en verticale. Finalement, en Alsace, le site de Soultz-la-Forêt avait comme objectif d'aller micro-fracturer les granites très profonds. Mais c'est un très beau projet de recherche et développement qui est mené depuis une quarantaine d'années. Et en fait, ils se sont aperçus que les granites étaient naturellement altérés, naturellement fracturés. Donc en fait, je pense qu'on peut quasi, pour la géothermie, évacuer la fracturation hydraulique. Il y a tellement de roches poreuses perméables qu'il n'y aura pas besoin de faire ça. Et effectivement, pour les séismes qui ont eu lieu dans la région de Strasbourg, donc là c'était des tests qui étaient faits par une entreprise dans une zone de faille, dans une zone fracturée, dans une faille. Et donc ça, c'est des réservoirs qui sont non plus à l'horizontale, comme là, sous nos pieds, sous Paris, mais sur une verticale. Et en fait, donc le principe, hein, c'est de pomper de l'eau à un endroit, de la réinjecter à un autre. Sauf que là, dans le cas précis, la faille, c'était pas la même branche de faille, donc en fait, c'était pas le même compartiment. Donc ils ont pompé l'eau dans un compartiment et ils l'ont réinjecté dans un autre, mais qui était pas le même, du coup, qui s'est mis en surpression. Et pour se rééquilibrer, ça a déclenché des séismes. Bon, la conclusion de ça, c'est que là où on fait de la géothermie, il faut comprendre le sous-sol de manière avoir une idée de la géométrie du sous-sol ou de la faille le plus précis possible. Et il faut faire des prospections sismiques, géophysiques, et c'est ce qui n'avait pas forcément été fait là. Et je pense que dans le futur, sur des opérations comme ça, il faudra contraindre vraiment à 100% le sous-sol. Oui, c'est ça, Christophe Didier, c'est que ça nécessite une expertise scientifique sans faille. Oui, c'est ça, oui. Tout à fait. Bon, je pense que le contexte, on est aussi dans de la géothermie très profonde là en Alsace, c'est-à-dire que les contraintes, les pressions exercées sur les failles sont très fortes, et quand une faille rejoue, elle va générer un certain nombre d'impacts en termes de sismicité. Ce qu'il y a, c'est que chaque exploitation est unique et à ses spécificités. Le BRGM, avec l'INERIS, a construit récemment un guide pour sécuriser et définir les meilleures manières et les meilleures pratiques pour éviter ce genre de, de soucis, sachant qu'il faut effectivement reconnaître, acquérir le maximum d'informations sur le sous-sol et surtout prendre les plus grandes précautions, avec notamment des techniques de surveillance pour détecter des micro-séismes avant que des plus importants se passent, et bien suivre la capacité de réinjection et s'assurer que le fluide circule de manière sereine en évitant ce genre de choses. Donc on a toute une série de mesures préventives qui doivent être mises en œuvre pour détecter et alerter avant de rentrer dans une phase qui peut générer ce genre de soucis. Donc il y a des dispositions qui existent et qui nécessitent de la connaissance du milieu, mais pas que, aussi une bonne maîtrise des techniques d'exploitation qui sont mises en œuvre. Mais encore une fois, on parle là de technologies qui vont stimuler des zones faillées, ce qui n'est pas la même chose que d'aller pomper dans un réservoir poreux et perméable dans des profondeurs qui sont beaucoup moindres. Donc voilà, chaque site est spécifique et mérite une analyse qui lui est dédiée. On parle d'une énergie compétitive, une énergie bas carbone, pas besoin de faire de la combustion, donc pas de rejet de CO2. Au total, près d'un tiers du territoire français possède une ressource de géothermie profonde connue. Pourquoi n'en fait-on pas plus ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Benjamin Brigaud et Christophe Didier, nous parlons de géothermie. On vient de voir, c'est un secteur qui présente de nombreux avantages, mais qui reste encore sous-exploité dans le bâtiment en France, qui pourtant est un des secteurs qui consomme le plus d'énergie. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Vous êtes partie sur le chantier, dans un tout nouveau complexe de logements, hôteliers et bureaux au nord de Paris. Oui, un complexe qui sera totalement chauffé et climatisé par un système mis au point par la société Accenta. La technologie combine géostockage et intelligence artificielle pour optimiser l'énergie calorique en régulant la consommation en temps réel. Quentin Barral, expert géosciences, dévoile le dispositif déjà mis en place dans une chaufferie située non pas au sous-sol mais au 10e étage où on trouve tous les équipements, hein, pompe à chaleur, tuyauterie pilotée par un système central tout informatisé. On est devant un bâtiment d'ICAD, on a 19 000 m² juste devant nous, répartis en un petit tiers d'hôtel et le reste, les deux gros tiers de bureaux. Et on a conçu, installé et on pilote la chaufferie, tout le système de production d'eau chaude, de chauffage, de climatisation basé sur la géothermie. La géothermie, c'est chauffer mais aussi rafraîchir et climatiser. Exactement, cette géothermie de surface, qu'on aime appeler géoénergie aussi, c'est le fait d'aller se brancher, d'utiliser la ressource du sous-sol juste sous nos pieds, à quelques dizaines, une centaine de mètres. Et en fait, à cette profondeur, il fait 15 degrés. C'est pas si loin de la température de confort qu'on va chercher à 19 degrés dans nos bâtiments. Et c'est ce qui va permettre de faire fonctionner très efficacement une pompe à chaleur, dont on verra le principe en chaufferie, une pompe à chaleur qui fait, elle, naturellement, le chaud ou le froid en fonction de ce qu'on a besoin pour le bâtiment. Donc là, on est au 10e étage. C'est un peu surprenant pour une chaufferie. On a l'habitude de les voir au sous-sol. Suivons le chemin par là. On a des organes de production, donc qui sont là, les pompes à chaleur. On a des équipements qui font circuler l'eau. On est juste là devant une pompe, devant deux pompes. Ça fait circuler de l'eau. Il faut porter la chaleur, porter la fraîcheur avec un fluide. C'est de l'eau ici. Ça peut être de l'eau glycolée dans les sondes qui permettent. C'est-à-dire qu'on vient faire un mélange entre de l'eau et du glycol qui permet d'éviter le gel de l'eau et donc d'atteindre des températures proches de zéro ou tout juste en dessous de zéro et sans que ça gèle. Ça continue de circuler. Alors. Et nous voici au cœur de la chaufferie avec devant nous l'écran de pilotage, l'écran de contrôle. Donc c'est véritablement le chef d'orchestre. Là, on a toutes nos optimisations, tous nos algorithmes, toute notre intelligence qui permettent d'optimiser et de piloter au mieux cette chaufferie. Et les organes de production, qui sont ces trois machines sur notre droite, trois petites pompes à chaleur qui sont dédiées à l'eau chaude sanitaire, et une grosse pompe à chaleur ici qui fait le chauffage et la climatisation. Elle utilise la ressource du sous-sol pour faire le chaud, pour faire le froid. Et on a une cinquième pompe à chaleur en terrasse, qui est une pompe à chaleur aérothermique qui utilise l'air extérieur. Alors cette optimisation, elle se fait avec une prise de décision qui est pilotée par une intelligence artificielle, ou c'est un choix qui peut être prédit par vous? Ouais. Alors cette optimisation, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait au niveau de la conception. On est outillé, on a développé nos propres outils avec des programmes de recherche et de développement qui ont été soutenus avec l'École Polytechnique, avec le BRGM, Bureau de Recherche Géologique et Minière, subventionnés par l'ADEME, et qui nous ont permis de développer nos outils d'optimisation. Comment est-ce que je vais décarboner? Comment est-ce que je vais rendre mon système efficace? On étudie, on regarde les consommations du bâtiment, on regarde comment le bâtiment se comporte, et on vient faire un nombre important de simulations sur des cas différents, de la géothermie, de l'aérothermie, du solaire, coupler tout ça, et notre logiciel va définir le meilleur système possible de production pour ce bâtiment. Et on a son grand frère au niveau de l'exploitation, donc une fois qu'on a fait les travaux, eh bien on va mettre dans l'armoire de pilotage, dans le cœur qui commande cette chaufferie, qui envoie les ordres, tous ces équipements qui vont leur dire quand est-ce qu'il faut produire au meilleur moment, et ça va nous permettre de pouvoir produire au meilleur moment l'énergie qu'il faut pour subvenir aux besoins. On a l'architecture devant nous. Donc cet écran va donner l'architecture de la chaufferie et on va retrouver tous les organes de production. Ici, on voit les pompes à chaleur, les quatre qui sont là sont les quatre pompes à chaleur géothermiques. La cinquième ici, la pompe à chaleur aérothermique. Et ces échangeurs thermiques vont être connectés avec un fluide qui va être de l'eau. Et la pompe à chaleur, elle fait toujours la même chose. Elle produit toujours du froid sur son évaporateur et du chaud sur son condenseur. La pompe à chaleur géothermique est en haut, on va avoir un circuit d'eau à l'évaporateur qui va récupérer le froid, dans lequel on va envoyer du froid ou aspirer du chaud, c'est symétrique, c'est la même chose. Et un circuit sur son condenseur dans lequel elle va renvoyer son chaud. Et donc avec ces circuits d'eau, on va pouvoir valoriser les deux. Ça devient une thermofrigopompe quand notre bâtiment a besoin en même temps de froid et de chaud. Ça peut être quand on fait de l'eau chaude sanitaire pour les douches en été et qu'il faut climatiser le bâtiment. Ça peut être sur un bâtiment de bureau, deux faces, nord-sud, où il faut climatiser la face sud et chauffer la face nord. C'est possible avec une pompe à chaleur géothermique parce qu'elle est au haut et donc on peut valoriser son chaud et son froid simultanément. La pompe à chaleur aérothermique, elle, on lui valorise simplement un de ses deux échangeurs, soit l'évaporateur, soit le condenseur quand on fait du chaud ou du froid, enfin inversement. Et l'autre, c'est une chaleur fatale ou c'est une fraîcheur fatale qui est renvoyée à l'air extérieur. S'il fait une température clémente à l'extérieur, c'est pas un problème. S'il fait trop chaud et qu'on climatise, c'est là où on crée les îlots de chaleur. S'il fait trop froid et qu'on est en train de chauffer le bâtiment, c'est là où on devient moins efficace. Et c'est pour ça que notre intelligence, notre pilotage, vient aller choisir le bon système de production en fonction de la température extérieure, en fonction de la température du sous-sol. Alors, en l'occurrence, il fait 10 degrés 6. Exactement. C'est une température quand même assez douce. Ouais, on n'est pas dans les grands froids de la dernière semaine, on a une température assez douce. Cependant, ici, le logiciel a choisi d'allumer une pompe à chaleur géothermique, on voit qu'elle fonctionne, on l'entend, mais c'est très discret, c'est celle qui est juste à côté de nous. Et donc là, actuellement, on est en train d'envoyer de l'eau chaude dans le ballon de chauffage. Ça s'arrête à l'instant, parce qu'on est arrivé à la consigne du chauffage. La pompe à chaleur, ça. Exactement. Ça, c'est la consigne du côté du bâtiment. Le bâtiment a besoin d'une certaine température dans son réseau de chauffage, en l'occurrence ici, pour atteindre son confort, pour atteindre les 19 ou 20 degrés dont elle a besoin. Elle demande au ballon de chauffage, au ballon, à la chaufferie, de stocker de l'eau chaude à 40 degrés. Et nous, on va tourner autour. Quand on passe en dessous de 38, on remet en production les pompes à chaleur pour remonter la température. On remonte jusqu'à 42 degrés. C'est ce qu'on appelle un hystérésis de 2 degrés, moins 2 plus 2. Et quand on est à 2 degrés au-dessus, on va s'arrêter et laisser vivre le ballon le temps qu'il se refroidisse petit à petit quand le bâtiment puise dessus pour faire son chauffage. Merci Céline Lozen pour votre reportage. Christophe Didier, en France, environ 200 000 logements sont chauffés par géothermie, surtout dans le bassin parisien, comme on l'a dit. Et selon vous, le constat qu'on peut faire, c'est que clairement, la géothermie est sous-développée en France? Oui, elle est clairement sous-développée. Alors, pour poser le diagnostic, c'est pas forcément simple. Je pense qu'il y a vraiment un point majeur, c'est le manque de visibilité de la filière. Je pense que c'est vrai au niveau des prescripteurs, c'est vrai au niveau des installateurs, des acteurs de l'ingénierie. En fait, c'est un cercle vicieux, puisque comme on ne connaît pas assez la géothermie, elle n'est pas mise en avant, Et donc, on développe d'autres solutions qui sont pas forcément plus efficaces et plus adaptées, mais personne n'a une position pour vraiment avoir une promotion forte de cette solution. Alors, on a, heureusement, on commence à voir des changements, puisque le gouvernement s'est doté depuis quelques mois maintenant d'un plan national géothermie qui vise justement à relancer cette activité, qu'elle soit de surface ou profonde d'ailleurs, hein, parce qu'elle a énormément d'atouts, mais un des points majeurs va être justement cette capacité à développer un savoir-faire, à développer des connaissances et à pouvoir sensibiliser les gens qui conseillent, notamment au niveau des citoyens, quand il s'agit de remplacer une ancienne chaudière au gaz ou au fioul, de pouvoir mettre en avant et expliquer les atouts de la géothermie par rapport à d'autres solutions qui sont beaucoup trop souvent mises en avant de manière systématique. Oui, Benjamin Brigaud, il faudrait donc développer les chauffages collectifs comme en Île-de-France. Oui, déjà il faudrait effectivement plus en parler. Enfin, j'ai le même constat que mon collègue. Donc quand on fait un petit panorama, par exemple la chaleur, hein, c'est un des gros postes de consommation énergétique finale, hein, et que ça soit pour les ménages ou pour une société qui doit chauffer un bâtiment. Donc voilà, c'est un gros poste de dépenses et c'est un gros poste énergétique. Cette chaleur, elle est à 60%, elle est faite par de l'énergie fossile. Environ 40% de gaz, puis il y a aussi un petit peu de fioul, hein. Il y a beaucoup de chaudières au fioul, et au final, alors il y a 20% d'électricité, parce qu'on est quand même dans un pays qui faisons beaucoup d'électricité et qui se chauffons beaucoup par l'électrique, il n'y a que 20% de renouvelables au final, et dans ces 20% de renouvelables, il n'y en a que 5 pour la géothermie. Donc si on fait en gros le global sur la chaleur, elle est faite qu'à 1% par la géothermie. Donc c'est clairement pas assez. On peut clairement faire plus. Mais parce qu'il y a peut-être pas de... Enfin, on en parle beaucoup, pas beaucoup, donc merci de faire une émission déjà sur la géothermie. D'ailleurs, pour conclure, parce qu'on parle d'une énergie locale, pas besoin de transport, pas besoin de stockage, pourquoi c'est si peu développé? Pourquoi parmi les énergies renouvelables, on parle beaucoup de solaire, de l'éolien, mais pas de géothermie? Ouais, alors si bon, déjà il y a des grosses compagnies, des grosses entreprises comme EDF pour l'électricité, et effectivement en électricité il y a eu un contexte favorable pour diversifier, en plus du nucléaire, faire de l'éolien et du photovoltaïque pour l'électricité. Sur l'énergie, il y a Engie, anciennement Gaz de France, donc c'est le gaz, très important, et puis Total, qui est une grosse compagnie aussi, et qui eux c'est le pétrole. Donc au final, la géothermie, il y a aucune grosse entreprise qui fait de la géothermie. Donc ça va peut-être être le cas dans 10, 15, 20 ans, où il y aura une grosse compagnie de géothermie, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est effectivement sous-développé. Alors, dans quelques instants, on vous parle de toute autre chose avec la chronique Avec Science, mais merci Christophe, Didier, merci Benjamin Brigaud. On retrouve à présent Alexandra Delbou, qui aujourd'hui nous parle de l'influence du tabagisme sur l'immunité. C'est la chronique Avec Science. Comment varie l'immunité humaine entre individus? On peut distinguer déjà deux types d'immunité. Il y a la première, l'immunité innée, qui se déclenche tout de suite dès l'entrée du pathogène. De nombreuses molécules que l'on appelle des cytokines sont relâchées pour créer un environnement inflammatoire propice à la destruction du microbe et à l'attraction d'autres acteurs de l'immunité sur place. Et finalement, tout cela déclenche le second volet de la réponse immunitaire, l'immunité adaptative, celle qui fait intervenir lymphocytes T et anticorps pour reconnaître, détruire le microbe et surtout pour se souvenir de l'avoir combattu un jour. Mais qu'est-ce qui distingue votre immunité de la mienne ou de celle de Natacha? On sait que plein de facteurs entrent en jeu, notamment l'âge, le sexe ou les gènes. Et donc, pour investiguer cette question, une cohorte nommée Milieu intérieur a été créée par un consortium de chercheurs et chercheuses de l'Institut Pasteur. Violaine Saint-André est chercheuse dans l'unité immunologie translationnelle et au hub de bioinformatique et biostatistique de l'Institut Pasteur. Et elle est la première autrice de cette nouvelle étude paru dans Nature. La cohorte a été mise en place en 2011. Et là, l'idée, c'était pas forcément d'avoir une très grande cohorte, mais d'avoir une cohorte pour laquelle on a beaucoup de données sur chaque individu. Donc là, on a une cohorte de 1000 individus, mais pour chacun, on a des données génétiques épigénétique. On a récupéré des échantillons de sang et on a la chance d'avoir des questionnaires très détaillés qui ont été remplis par les individus. C'était des questionnaires de 44 pages, desquels on a extrait 136 variables. On a les données socio-économiques des individus, des détails sur leur mode de vie, savoir s'ils vivent seuls ou avec leur famille, s'ils sont nés à la ville ou à la campagne, le nombre d'heures d'activité physique qu'ils font chaque semaine ou leur nombre d'heures de sommeil. Il y avait aussi des données nutritionnelles sur les habitudes alimentaires des individus, des données cliniques, parce qu'il y a eu certaines protéines qui ont été mesurées à partir du sang des individus, comme des immunoglobulines. Tout ça, ça représente des grands jeux de données qui nous permettent d'essayer donc de voir des associations et puis d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués. Des prélèvements nasaux et fécaux ont aussi été réalisés, mais ceux qui nous intéressent ici, ce sont les prélèvements sanguins, parce que c'est dans le sang que se cache une partie des acteurs de l'immunité. Et pour estimer les capacités immunitaires de chaque sujet, pas question de les infecter bien sûr, en revanche, on peut réaliser en laboratoire des stimulations immunitaires. Et c'est ce qu'a fait cette nouvelle étude. Le sang de chaque individu a été mis en contact avec tout un tas de microbes, virus et bactéries pour déterminer comment leur immunité sanguine réagissait, à la fois l'immunité innée et adaptative, et l'ensemble de ces paramètres biologiques a été comparé à la quantité de données récoltées pour chaque sujet, afin d'y déceler des corrélations. Résultat, trois variables sortent du lot, une infection passée au cytomégalovirus, un indice de masse corporelle plus haut, et aussi le statut tabagique, même quand le sujet a arrêté le tabac depuis longtemps. On s'est concentré sur l'effet du tabac, car il montrait des effets à la fois sur l'immunité innée, donc l'immunité globale, rapide à se mettre en place, et sur l'immunité adaptative, qui est une immunité plus lente, mais plus spécifique de l'organisme. Donc, on voit des effets sur ces deux types d'immunité. Donc, pour la première, on voit qu'une réponse inflammatoire aux bactéries est différente chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Et pour la deuxième, on voit qu'après stimulation des lymphocytes, les fumeurs et les non-fumeurs n'ont pas les mêmes réponses. Mais ce qui nous a interpellé, c'est quand on regarde les anciens fumeurs, les cytokines sont pas plus activés suite à la stimulation pour les stimulations de l'immunité innée. Par contre, pour les stimulations de l'immunité adaptative, on voit qu'on a toujours cette surstimulation des cytokines suite à l'induction avec des agents qui activent les lymphocytes par rapport aux non-fumeurs. Ça veut dire que cette réponse perdure dans le temps, que chez les anciens fumeurs, ils ont une réaction qui ressemble à celle des fumeurs plus qu'à celle des non-fumeurs. Mais pour combien de temps? Combien d'années après l'arrêt du tabac, l'immunité adaptative est-elle encore chamboulée? Cela dépend évidemment d'autres facteurs. Ce que montre l'étude, c'est la présence de modifications épigénétiques, donc de petites marques chimiques sur l'ADN qui dictent quels gènes doivent être lus ou ignorés. On parle de régulation de l'expression des gènes, et dans ce cas, certains gènes de l'immunité sont dérégulés. Ce que montre l'étude, c'est que ces modifications peuvent perdurer pendant au moins 10 ans après l'arrêt du tabac. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont réversibles. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Bruno Sansini, Céline Lausanne, Noémie Eliazor. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Ludovic Augier. Merci aux camarades de France Bleu Orléans, Benoît Martin. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.